chill up. C'est fou ce qu'on fait avec des si. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on met le pari en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on met le pari en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. Avec des si, j'aurais bâti ma vie ailleurs qu'ici. Avec des si, j'aurais bâti ma villa avec piscine. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Avec des si, moi je mettrais des Miss Rousseau sans bouclet. En gros, ça parle gros sans agir, donc ça met des si tout le temps. Y'a des déçus tout le temps, car y'a des si qui prennent un bout de temps. Avec des si, j'aurais 100 feuilles tous les midis. Avec des si, viens, on fait un featuring avec Piggy. Avec des si, la vie, c'est plus facile, distille. Moi je promets pas la lune, mais quand j'applique, c'est avec du style. Avec du style et du cœur, parce que j'aime pas décevoir. Avec des si, je serais disque d'or même dès ce soir. Avec des si, dans le rap y'aurait que des antilopes. Avec des si, y'aurait pas de maladie sans antidote. Avec des si, on rendrait la vie al dente. Avec des si, je m'appellerais pas D.I.A.M.A.S. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. J'avais pu lui dire, auparavant que je l'aimais tant. Si j'avais pu lui dire, je serais pas là à le regretter. Si j'avais pas menti, c'en est trop, ce putain de silence me tue. Si j'avais su, serait à elle pas avoue que j'avouerais ça si je m'étais tu. Mon cœur saigne, les gouttes tombent, entends-tu? Attentif, si je l'avais été. Si j'avais pu être présent près d'elle hiver comme été. Si j'avais pu l'étreindre avant qu'elle parte. Si j'avais pu l'entendre, si j'avais su, je serais resté là à chercher à comprendre. Si je m'étais dit, attends, quand t'étais pas tout dit. Si je m'étais dit, mon Dieu m'aurait peut-être entendu. Si je le savais, notre amour, c'est sûr, je l'aurais sauvé. Si je le savais, devant elle j'aurais moins joué les singes savants, un peu moins bête. J'aurais évité les comment ça va si j'étais bien. J'aurais pas fait que chez nous soit le Kosovo tout recommencer. Si je pouvais, je l'aurais fait. Si je pouvais rêver, me lever en sueur, l'avoir à mes côtés. Mais c'est ainsi, avec des si, on sent moins indécis. Mais c'est ainsi, avec des si, on sent toujours en dessous, trop de soucis. J'attends ton retour dans une pièce à cire. Viens près de moi, parce que sans toi je me sens mal ici. Viens près de moi, parce que du gouffre t'es ma seule issue. Antilope, viens à moi. Antilope, viens à moi. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. Avec des si, t'as vu, je fais un morceau cru dans un bête de monde. Avec des si, le rap serait comme d'ici, de la bête de bombe. Avec des si, c'est difficile, car les si, c'est comme des missiles sans si. Avec des si, j'aurais pas raconté ma vie en rime. Avec des si, j'peux pas en rire. Non, et pas de vie en ruine. Avec des si, y'a rien de concret. Mais le duo que t'entends, comme quoi on peut faire du bon avec des si de temps en temps. Si j'étais moins triste, si j'avais plein d'amis. Si j'étais blanc, si j'étais bleu, si j'étais condamné. Et si j'avais été moins indécis, moins en dessous. Si j'étais resté au pays dans tout ce bain de sang. Si j'avais fait si, si j'avais pas fait ça. Si j'avais eu si, si j'avais pas eu ça. Ah, si j'étais riche, si j'avais réussi. Si j'aimais pas le rap, si j'étais pas dans le son. Si j'étais pas ici, qui pourrait dire tout ça? Si j'étais paresseux, qui pourrait dire tout ça? Alors à CDC, je serais beaucoup plus connu qu'à CDC incandescent. Et mon rap, je prends tes oreilles d'assaut. Antilope et diamant, c'est pas du Joe Dassin. Nouvelle donne, ça va péter, la bombe est amorcée. Sur ce, dans la vie, faut pas être indécis. Antilope, dans le rap, je suis étalon pur son. Avancer, c'est aussi savoir prendre des raccourcis. À la fin, je veux pas être au même point à dire si. C'est ce qu'on fait avec des si. C'est fou ce qu'on fait avec des sous. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. C'est avec des si quand il en pétille à mon bataille. C'est fou ce qu'on fait avec des si. Comme c'est fou ce qu'on fait avec des sous. Nous avec des si, on met le monde sans dessus dessous. Avec des si.